Faut le reconnaître, j'ai pas toujours été un mec honnête. Méfie-toi, recule d'un pas, même si tu crois me connaître. J'ai pris des coups sans pouvoir les rendre. J'ai vu la lumière et j'ai su que sa force est grande. Et si j'ai menti à ma mère, c'était pour son bien. Quand mon père me t'a passé, c'était pour le mien. La tête dure comme du béton. Chérie, pour l'instant, le resto laisse béton. J'ai que des pièces en laiton. Mais je m'inquiète pas, on m'a dit j'ai un don. Ma musique fait bouger les deux tés et fait pointer les tétons. Normal, j'ai dans les pattes près de 20 ans de rap. Et même mon papa m'a dit tu arriveras à. J'ai répondu qu'est-ce que t'en sais. Tu sais, même pas danser, et lui et moi on s'est distancé. Je fais dans le relationnel, je rappe, il trouve ça sensationnel. Je suis le 7ème ciel émotionnel. 7ème ciel émotionnel. 7ème ciel émotionnel. 7ème ciel émotionnel.